Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Face au réchauffement climatique, l'avenir de l'énergie passerait-il tout compte fait par l'atome, non plus par la fission, mais par la fusion? Ce procédé encore expérimental attire de plus en plus de financements internationaux. Si vous pensiez qu'il fait chaud à la surface de Mercure, attendez de découvrir Kelt 9b, une géante gazeuse trois fois plus massive que Jupiter, à la surface de laquelle il fait si chaud que les molécules sont déchirées. Et enfin, Molière a-t-il vraiment écrit ses pièces de théâtre ou sont-elles l'œuvre de Corneille? Idem pour Shakespeare et Fletcher, Lennon et McCartney. Une intelligence artificielle a réussi à résoudre ces mystères historiques. Fusion nucléaire, planète infernale et Molière contre Corneille, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et contrairement à Molière et Corneille, deux, nous sommes sûrs qu'ils sont bien qui ils disent être, à moins qu'ils ne vivent depuis des années sous une identité d'emprunt, ou que je fasse moi-même partie d'un complot plus large encore pour voler la personnalité de vulgarisateur scientifique, who knows. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour, je ne sais pas s'il faut vous appeler Nicolas Martin, alors bonjour. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Sébastien Carassou. Bonjour à tous. De la chaîne YouTube Le Sense of Wonder, et bienvenue à Vincent Nouiriga. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous venez du magazine Science et Vie. Elle seule est à même de percevoir la réalité scientifique telle qu'elle se construit jour après jour et de faire tomber toutes les illusions. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et premier sujet de ce journal, Natacha, une étude publiée dans Nature, une étude massive sur le génome du cancer. Et il s'agit du Pan Cancer Project, la plus grande étude réalisée jusqu'à ce jour sur l'ensemble du génome du cancer. Jusqu'à présent, le séquençage des tumeurs était concentré sur l'exome, qui n'est que la partie codante de l'ADN et qui ne représente que 1% du génome. Pendant 10 ans, plus de 1300 chercheurs de 37 pays ont été mobilisés. Ils ont analysé plus de 2600 génomes de 38 types tumoraux différents et les ont comparés à des tissus sains. Il y a une foule de nouvelles découvertes dans ce dossier. Les chercheurs ont notamment mis en évidence un nombre important de mutations pilotes présentes dans les cellules tumorales. Des mutations pilotes qui poussent les cellules à se reproduire de manière incontrôlable. Ce travail offre des possibilités immenses sur la compréhension des cancers et sur des traitements potentiels. Maya Gutiérrez est oncologue à l'Institut Curie à Paris. Non seulement le génome de chaque cancer est unique, mais ils en parlent justement dans cette analyse, c'est que au sein même d'une tumeur, on va avoir donc des cellules qui sont à des stades de mutation différents. Et donc, ils ont pu reconstituer aussi également l'historique des mutations, c'est-à-dire en se basant sur des algorithmes, pouvoir se rendre compte quelles étaient les mutations pilotes et aller comme ça jusqu'à des mutations plus tardives. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des mutations qui sont très précoces, qui vont survenir dans des cellules des années avant la découverte d'un cancer et qui pourraient être accessibles à des méthodes de prévention ou de dépistage, et des mutations qui vont être beaucoup plus tardives et associées donc plutôt aux récidives ou aux rechutants. Il y a des mécanismes qui sont communs à la cancérogénèse, mais il y a des choses aussi qui sont assez spécifiques. Et c'est vrai que c'est un petit peu les deux aspects qu'on a dans l'article. Par exemple, il parle beaucoup de l'immortalité des cellules tumorales. Et là, il y a toute une partie du travail qui concerne les anomalies qui vont aboutir à la persistance des télomères. Les télomères, qui est un signe de jeunesse dans les cellules. Quand on naît, on a des télomères qui sont longs et qui vont se raccourcir au cours de l'existence. Et en fait, les cellules tumorales gardent des télomères très longs. Et là-dessus, on voit que dans différents types de cellules tumorales, on garde ce mécanisme d'immortalité. Ça nous offre des possibilités de compréhension des cellules bien plus importantes, les cellules tumorales. En bref, dans la revue Plus One, un squelette découvert dans des grottes submergées à Tulum, au Mexique, complexifie notre connaissance des premiers Américains. Et un squelette et un crâne vieux de 9900 ans d'une jeune femme baptisée Shan Hall III. Les mesures craniométriques montrent qu'elle ne ressemble pas aux autres paléo-indiens. Son crâne a été comparé à 452 crânes de l'Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi qu'aux autres crânes trouvés dans les grottes de Tulum. Est-ce une anomalie ou est-ce que la migration vers les Amériques a été beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pense? Selon les auteurs de cette étude, les paléo-indiens des Amériques n'étaient pas un seul groupe homogène qui a voyagé du nord au sud des Amériques. Les chercheurs pensent qu'il y avait au moins deux groupes humains morphologiquement différents. On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Les éléments clés du vivant peuvent se former dans l'espace. Ce sont les conclusions d'une expérience transdisciplinaire réalisée par une équipe française. Leurs travaux viennent de paraître dans la revue The Astrophysical Journal Letters. Et en laboratoire, le groupe a réussi à recréer les conditions physico-chimiques que l'on trouve dans la nébuleuse solaire. C'est-à-dire le nuage de gaz à partir duquel le système solaire s'est formé. On sait qu'il y a beaucoup de molécules organiques dans l'espace, mais ils viennent de prouver que la cytosine pouvait se former dans ces conditions. La cytosine, c'est l'une des cinq bases nucléiques qui servent de briques à l'ADN. Il reste dorénavant à prouver que l'adrénine, la guanine, la thymine et l'uracile, les quatre autres bases nucléiques, peuvent se former dans une nébuleuse. Pauline Poineau est enseignante-chercheuse à l'Institut de chimie des milieux des matériaux de Poitiers. Elle est la principale auteure de cette étude. On a reproduit en laboratoire les poussières de glace qui sont formées au moment de la formation de la nébuleuse solaire, à savoir le système solaire. Et en fait, c'était la première fois qu'on met réellement en évidence que dans ces conditions physico-chimiques extrêmes, une base nucléique de l'ADN a pu se former. Ce qui, probablement, pourrait laisser entendre que finalement, ces bases azotées de l'ADN ont pu se former, les autres aussi ont pu se former également dans ces conditions-là. Ce sont mes chercheurs au laboratoire PIM de l'Université de Marseille. Ils se servent d'un système assez particulier où ils envoient des gaz qui sont de l'ammoniac, de l'eau et du méthanol. Et en fait, ils bombardent ces gaz avec des radiations lumineuses et qui sont représentatives de celles en fait qu'on trouvait dans l'espace à ce moment-là. Donc en fait, en gros, ce sont des radiations extrêmement intenses qui sont envoyées sur ces gaz. Comme ça, ils arrivent à reproduire finalement une glace qui est constituée de molécules organiques potentiellement présentes au moment de la formation de la nébuleuse. Et parmi toutes ces réactions chimiques qui se développent, elles conduisent à la formation de tout un tas de molécules organiques différentes. Et donc, parmi ces molécules organiques, on a mis en évidence qu'il y avait les bases, une base en tout cas, de l'ADN. Prochaine étape, ce serait déjà d'essayer de voir si potentiellement les autres sont présentes. Et en fait, on a mis en évidence qu'il y avait des composés qui avaient à peu près la même structure que les autres bases de l'ADN, mais on a montré que ce n'étaient pas les bases. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle ça des isomères, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui ont des structures chimiques proches des bases de l'ADN, des autres bases, mais qui ne sont pas les bases de l'ADN. Donc maintenant, l'idée, c'est de savoir si on peut optimiser encore nos protocoles de chimie analytique pour essayer de voir si, en descendant plus bas en concentration, on ne détecte pas les quatre autres bases. En bref, des champignons prospèrent sur les murs des réacteurs de Tchernobyl. Et les parois sont couvertes de champignons noirs, aussi appelés champignons radiotrophes. En tout, les chercheurs ont observé près de 200 espèces différentes. Non seulement certains champignons supportent les niveaux de rayonnement, mais d'autres les absorbent franchement. Vraisemblablement, ils seraient chargés de mélanine, ce qui les protégerait des radiations. Certains d'entre eux dirigent leur spore vers la source de rayonnement comme s'ils cherchaient de la nourriture. Les chercheurs ne comprennent pas comment ils sont capables d'absorber de tels niveaux de radiation. Et cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question d'un vaccin contre le paludisme pour les femmes enceintes, d'hydrogène métallique, de la progression du cancer dans le monde et de la régénération des cellules pulmonaires, même après l'arrêt du tabac. Mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref. En ultra bref, les dunes de sable interagissent entre elles. La dynamique des champs de dunes est mal étudiée. On les considérait jusqu'à présent comme des objets autonomes soumis aux forces de la nature. Des physiciens montrent que lorsqu'elles se déplacent, les dunes interagissent avec leurs voisines. Elles se rapprochent les unes des autres avant, finalement, de s'éloigner de plus en plus. De nouvelles images prouvent que les phoques gris sauvages applaudissent sous l'eau pour communiquer. D'authentiques applaudissements avec les nageoires avant pour produire un claque très bruyant. Ce sont les seuls mammifères marins qui ont cette aptitude. Comme pour les gorilles qui se frappent la poitrine, cet applaudissement est fait pour impressionner les mâles comme les femelles. Et enfin, pour ce qui est de la communication entre les pingouins, des chercheurs viennent de montrer que leurs vocalises suivent les mêmes règles linguistiques que le langage humain. Comme nous, les pingouins utilisent le plus souvent des sons brefs, et plus les vocalises sont longues, plus elles sont composées de syllabes courtes. C'est la première preuve qu'une espèce non primate suit ces règles linguistiques. Et pour conclure, comme tous les vendredis, par la rubrique de sciences improbables, aujourd'hui, un cas médical rare décrit dans la revue Oral Surgery et Oral Medicine, ça commence déjà très très mal. Des poils poussent sur les gencives d'une femme. Mais dans le jargon, on parle d'un hirsutisme gingival récurrent. En Italie, une jeune femme de 19 ans s'est présentée au médecin avec de petits poils qui ressemblent à des cils et qui poussent dans les gencives, hein, derrière ses dents de devant. Dans la littérature scientifique, on ne trouve que 5 autres cas similaires. Après différentes tentatives de traitement hormonaux, 7 ans plus tard, son état s'est aggravé. L'étude parle de poils, ou de cheveux d'ailleurs, qui poussent à peu près partout sur les tissus mous des gencives. Les docteurs n'expliquent pas du tout ce phénomène. Merci beaucoup, Natacha. Et on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Les retards successifs et l'augmentation exponentielle du budget du projet ITER, qui est passé en quelques années de 5 à 20 milliards d'euros, aurait tendance à laisser penser que la fusion nucléaire était au pire dans une impasse, au mieux partie du mauvais pied. Mais c'est sans compter les progrès technologiques dans les technologies de confinement notamment, et l'investissement de nouveaux acteurs dont certains sont bien connus, comme Jeff Bezos d'Amazon ou Bill Gates. Alors Vincent Nouiriga, on peut envisager maintenant que la fusion a encore son mot à dire. Oui, enfin, il faut peut-être pas forcément s'emballer, mais c'est vrai que ça fait 70 ans qu'on nous promet la fusion pour dans 20 ou 30 ans. Les physiciens s'amusent souvent pour dire que le temps qui nous sépare de la fusion est une nouvelle constante de la physique, c'est-à-dire c'est 20 ou 30 ans à chaque fois. Ça fait de bonnes blagues, mais il se trouve que pas mal de chercheurs commencent à y croire dans des laboratoires officiels qui commencent à former même des start-up financées, comme vous l'avez dit, par des milliardaires plus ou moins philanthropes. Et effectivement, on commence à y croire aussi parce qu'il y a quelques progrès scientifiques récents, notamment en supraconducteurs, parce que alors on y viendra probablement tout à l'heure, mais il faut faire un confinement magnétique très particulier, il faut mettre la matière dans un état très particulier, et donc ça c'est très prometteur, ainsi que l'intelligence artificielle et aussi les progrès des supercalculateurs, tout ça on semble franchir un palier dans un certain nombre de domaines. Alors peut-être qu'il faut commencer tout simplement par rappeler la différence entre la fission nucléaire qui font fonctionner nos bonnes vieilles centrales françaises et internationales, et la fusion qui est quelque chose de radicalement différent. Effectivement, la fission, c'est éclater des atomes, et ça, c'est assez facile. Entre la découverte du phénomène de fission dans les années 30-40 et le premier réacteur à fission, il s'est écoulé 5-10 ans. Alors qu'on a découvert la fusion à peu près en même temps, et là, ça fait 70-80 ans qu'on attend. C'est-à-dire que la fusion, c'est tout simplement la fusion de noyaux. Donc c'est tout à fait l'inverse de la fission, mais c'est beaucoup plus difficile, épouvantablement difficile à obtenir, en l'occurrence, parce qu'il faut porter la matière dans un état, une température de centaines de millions de degrés. C'est 10 fois plus que la température au cœur du Soleil. Alors effectivement, au cœur du Soleil, on peut faire de la fusion, mais vous avez une masse, une pression terrible qui vous aide, alors que sur Terre, on est bien dépourvu par rapport à ça. Donc on est obligé d'imprimer une énergie cinétique fabuleuse, soit en portant la température de la matière à très haute température, 150 millions de degrés au sein d'ITER, soit en condensant terriblement la matière pendant quelques fractions de secondes, parce que c'est vraiment trop compliqué à obtenir pendant trop longtemps. On peut rappeler qu'effectivement, la fusion nucléaire, c'est ce qui se passe, c'est le principe de la nucléosynthèse au cœur des étoiles. C'est le carburant des étoiles. On fait rien de mieux dans l'univers, a priori. Donc, c'est vraiment extrêmement efficace. Et alors, quand on entend, parce qu'on a parlé de la fusion à ce micro, on a parlé, on entend régulièrement aussi dans les médias généralistes les déboires d'ITER. Peut-être que vous pouvez nous rappeler, Vincent, déjà, qu'est-ce que c'est ITER? Parce que ITER, on pense que c'est un projet comme ça en France, mais pas du tout. C'est un immense projet international. C'est un projet international. C'est même le projet le plus cher, je crois, de collaboration scientifique internationale à l'heure actuelle. Peut-être que le LHC aussi. Enfin, non, le LHC, c'est beaucoup moins cher, je crois. C'est 20 fois moins, j'imagine. En fait, le ITER, c'est un vieux programme qui date de Gorbatchev, Reagan, de l'époque, c'est pour vous dire. Ça date d'une trentaine d'années. Et au début, c'était États-Unis, Russie, URSS à l'époque. Et se sont greffés la France, la Chine, enfin, toute l'Europe est coalisée là-dedans. Vous avez la Chine, l'Inde, les États-Unis et d'autres, quelques autres grandes puissances, la Russie, bien sûr. En tout, 35 pays. Et l'intention, et c'est vraiment un merveilleux projet. Enfin, j'ai eu la chance d'aller à Cadarache sur le site et c'est très beau à voir parce que c'est vraiment la réunion de toute l'humanité qui essaie de trouver une solution énergétique pour, disons, la seconde moitié du siècle. Et c'est magnifique. C'est un mouvement presque de philanthropie. Tout est ouvert. La propriété intellectuelle même des industriels, ils laissent tout ouvert à la disposition de chacun, à la disposition de l'humanité. C'est une très belle démarche, mais qui est, bon, le projet est tellement difficile à mettre en place, ne serait-ce que diplomatiquement, il y a tellement de complications sur le plan organisationnel, ne serait-ce que l'organisation de ce projet pose beaucoup de problèmes, si bien, tant et si bien que d'ailleurs, une grande puissance comme la Chine a son petit programme de fusion propre. Parallèle. Peut-être un mot, parce que c'est vrai que, alors, en France particulièrement, on a parlé aussi des problèmes que peuvent poser les centrales, leur vieillissement, leur entretien, le coût. Et il y a aussi, évidemment, la question incontournable du danger suite à différents accidents, notamment à Three Mile Island, évidemment à Tchernobyl et plus récemment à Fukushima. Le projet de fusion nucléaire, c'est il faut vraiment penser l'atome différemment. Ouais, c'est pas totalement. Du tout les mêmes principes. On n'est pas en train de fabriquer une super bombe du non, tout. Non, absolument pas. Non, c'est même pas une bombe thermonucléaire. C'est pas du tout ça. Effectivement, c'est un autre nucléaire, un nucléaire alternatif, au sens où elle promet d'être propre comme l'autre nucléaire, le nucléaire classique. Propre, c'est-à-dire décarboné. Oui, c'est-à-dire voilà. En termes de CO2. Et peut-être aussi en termes de déchets radioactifs, il y a moins de déchets radioactifs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a moins de déchets radioactifs et en plus, ce sont des déchets radioactifs à durée plutôt courte, en tout cas par rapport au nucléaire classique. C'est-à-dire c'est peut-être de l'ordre de la centaine d'années, ça se gère. Ce n'est pas des dizaines de milliers d'années et ça ne nécessite pas d'enfouissement géologique comme le nucléaire classique. Et surtout, ça ne peut pas s'emballer, sachant que déjà, on a vachement de mal à l'obtenir, cette réaction de fusion. Donc, mais ça ne peut pas s'emballer, la réaction ne peut pas s'emballer comme c'était le cas de Tchernobyl. Et il n'y a pas forcément de question de refroidissement thermique, comme ça s'est posé à Fukushima. On n'arrivait plus à refroidir le combustible et il s'est passé ce qui s'est passé. Là, en l'occurrence, sur la fusion, on n'a pas ce genre de problème. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de fusionner? Comment ça marche et dans quelles conditions? Pour parler d'ITER, et puis ensuite on regardera un peu les autres projets qui sont en cours de développement. Mais sur ITER, quel est le projet? Le réacteur de fusion, on appelle ça un tokamak. Oui, c'est ça, c'est un tokamak, c'est une espèce de grand donut dans lequel on met du plasma avec deux isotopes d'hydrogène. C'est du deutérium et du tritium, mais bon, allez, disons qu'on fait fusionner deux atomes d'hydrogène. On peut dire, deutérium, ce sont deux isotopes avec plus ou moins de neutrons. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un proton et un neutron pour le deutérium. Et un proton et deux neutrons pour le tritium. C'est ça, exactement. Et bon, il se trouve que là, c'est l'une des réactions les plus efficaces de fusion. On pourra en faire d'autres, mais c'est trop compliqué, ça demande une température trop extrême. Donc là, ça a l'air d'être la réaction la plus efficace possible en termes de fusion. Et vous mettez ça dans une espèce de champ magnétique. En fait, c'est assez compliqué. Il y a plein de champs magnétiques qui forment une espèce de donut dans lequel vous confinez ce plasma. Vous essayez de le porter à 100-150 millions de degrés le plus longtemps possible. C'est l'objectif d'ITER. L'objectif d'ITER, c'est d'arriver à obtenir une réaction de fusion même qui produirait de l'énergie pendant quelques minutes. Ça, c'est l'objectif, c'est de l'ordre de 2035. Là, si on en a parlé dans Science et Vie, en l'occurrence, c'est que dans quelques semaines va commencer l'assemblage d'ITER. En fait, les premiers composants d'ITER vont être assemblés dans les prochaines semaines, courant mars, et ça va mettre 5 ans quand même. Sur le papier. Ouais. Sur le papier, ça va prendre 5 ans d'assemblage. Un assemblage minutieux, millimètre, avec des composants de dizaines de tonnes qui viennent de pays différents, avec des cultures différentes, des normes différentes parfois. Donc, il a fallu s'adapter. Et les premières expériences, les premiers plasmas, vont se faire entre 2025 et 2035, avec l'objectif, comme je le disais, d'arriver à avoir un plasma qui est confiné, qui produit de l'énergie, qui n'en consomme pas, qui produit de l'énergie pendant 5-10 minutes, si possible. Ça, c'est de façon expérimentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à exploiter ces centrales pas pour, l'électricité voilà, avec, pour produire de l'électricité. Pas ce qu'il faut comprendre peut-être avec la fusion, Vincent, c'est qu'à partir du moment où on a réussi à franchir cette étape du confinement, ensuite, l'idée, c'est de réussir à obtenir en fait un système qui s'auto-entretient. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire une fusion qui est un plasma en combustion, une fusion qui s'auto-entretient, c'est-à-dire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Actuellement, les tokamaks qui existent, ça peut paraître assez ridicule pour un énergéticien, mais il faut fournir tellement d'énergie pour arriver à le porter à une telle température et arriver à le stabiliser. Qu'en fait, on consomme plus d'énergie qu'on en produit. Il y a juste un tokamak anglais qui, en 1997, a réussi à approcher tout simplement l'équilibre énergétique pendant même pas une seconde. C'était la nuit d'Halloween 1997. C'est énormément de choses. Ouais, voilà. C'est assez mythique pour les chercheurs en fusion, mais depuis, on n'a rien tenté de tel parce qu'on n'avait pas aussi le matériel suffisant. Mais l'objectif, effectivement, c'est l'efficacité énergétique. C'est d'arriver à produire, allez, disons, 30 à 50 fois plus d'énergie qu'on en consomme pour créer ces conditions de fusion. Ce qui, théoriquement, est tout à fait vraisemblable. Alors, deux questions, Vincent. Déjà, quelles sont les étapes qui font qu'aujourd'hui, alors qu'on a tellement entendu que ITER, c'était un gouffre, qu'on n'y arriverait jamais, que c'était une impasse, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il y a un regain d'intérêt, mais surtout un regain de financement de la part de plusieurs institutions comme le MIT. Il faut dire qu'il y a une motivation qu'il n'y avait pas dans les années 90, même au début des années 2000, c'est quand même l'urgence climatique qui mobilise tout le monde, qui émeut, qui mobilise tous les jeunes diplômés, qu'ils soient physiciens ou ingénieurs, ou milliardaires également, millionnaires, milliardaires, et qui sont mobilisés sur cette... et aussi le constat que c'est pas forcément évident de s'en sortir qu'avec des énergies renouvelables, un peu décentralisées, un peu intermittentes. Il y a aussi cette idée-là en l'air, même si elle peut être contestée. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir une puissance électrique continue, puissante, en base, jour et nuit. Et la fusion pourrait être un candidat tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a également des étapes techniques ou en tout cas des points de bascule qui font qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'effectivement, c'est plus accessible que ça ne l'était il y a encore 5 ans même? Mais comme je le disais au début, effectivement, il y a des progrès sur les aimants supraconducteurs qui sont tout à fait prometteurs. Les supercalculateurs, l'IA, l'intelligence artificielle peut être une aide très précieuse pour arriver à piloter ces plasmas qui sont hyper capricieux, qui vont dans tous les sens, qui sont très instables. Peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à anticiper ces réactions. Et voilà, globalement, il y a quelques petites étincelles comme ça qui apparaissent et qui font dire aux chercheurs, c'est peut-être possible. Il y en a qui annoncent avec sans doute une bonne part de bluff que dès 2030, ils seront capables de faire de la fusion. J'y crois pas, personne n'y croit, c'est sans doute pour attirer des financements, évidemment. Ça commence à avoir beaucoup d'engouement. On a parlé beaucoup aussi des problèmes d'instabilité liés à ces tokamaks. Là, il y a des nouveaux types de réacteurs qu'on appelle des stellarateurs. Qu'est-ce que c'est, Vincent? C'est un tokamak qui est tout tordu, avec une géométrie très trabiscotée. Je crois qu'il fait comme une hélice, en fait. Et jusqu'à présent, ce n'était pas possible de le construire. Ça a été envisagé dans les années 50 par un physicien américain. Ça paraissait très séduisant, mais personne n'était capable de construire de tels aimants, de concevoir tout ça. Il fallait des supercalculateurs. On n'avait pas les puissances de calcul. Et or, là, depuis quelques années, il y a un stellarateur très complexe, très sophistiqué, qui a été mis en service en Allemagne et qui est très prometteur, qui donne des résultats tout à fait éloquents. Et la construction a demandé, je crois, 1 million d'heures de travail. C'était hallucinant, mais ils l'ont fait, ils ont réussi. Ils ont réussi à monter une température de 20 millions de degrés pendant 30 secondes, ce qui n'est pas encore les 150 millions. Et avec une stabilité intrinsèque du plasma, du fait de cette configuration un peu tortueuse, avec des aimants qui sont à l'extérieur de la machine et donc qui permettent de diriger ce plasma. Et ça, ça, c'est plutôt très prometteur. Dernière question, Vincent, et puis on va vous libérer parce que vous êtes un peu pressé. Aujourd'hui, on se dit effectivement, hein, vous l'avez dit, cette idée de la fusion, ça pourrait être effectivement une énergie relativement contrôlée, certainement peut-être un peu moins dangereuse que la fission, une énergie constante, mais avec si 2035 ce sont les premiers essais, ça veut dire que l'industrialisation est encore loin. Or le réchauffement climatique c'est aujourd'hui. Est-ce que la temporalité est bonne ou est-ce qu'on arrive un peu après la bataille? Ça vous savez, c'est tous les chercheurs sur la fusion reconnaissent en off en général que ça leur pose vraiment un cas de conscience, que c'est un vrai problème. Effectivement, l'urgence climatique, elle se joue dans la décennie à venir, voire les deux décennies à venir. Il y en a, bon, c'est raison pour laquelle, sans doute, les startups proposent 2030-2035 une industrialisation. Je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas, il faut rester ouvert. C'est une option énergétique qui serait ouverte et qui pourrait être sans doute utile à la fin du siècle. On aura besoin toujours d'énergie, probablement à la fin du siècle, et une énergie dans une société qui devrait être à émission négative, comme on dit, enfin qui devrait être décarbonée en tout cas, voire qui devrait absorber du carbone. Donc ça pourrait être utile à long terme. Vincent Nouriga, je vous retiens pas plus. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la fusion. C'est la une du Science et Vie du mois de février. Fusion, enfin les premières étincelles. Et puis plein d'autres choses à découvrir dans ce magazine. Merci beaucoup Vincent, bienvenue, vous revenez quand vous voulez. Maintenant que vous êtes là, vous savez, vous êtes chez vous. Nuclear Skies de The Irrepressible sur France Culture, un morceau qui s'applique autant à ce dont on vient de parler, à savoir des centrales à fusion nucléaire, qu'un autre second sujet de la semaine, puisqu'on va parler aussi de fusion, mais de fusion stellaire cette fois-ci, même de fusion de planètes, puisque, eh bien, qu'arrive-t-il à une planète qui est très proche de son Soleil? Généralement, sa rotation est synchronisée avec son étoile, ce qui fait qu'elle présente toujours la même face, et donc que cette face est très très fortement chauffée. Regardez par exemple Mercure, 450 degrés Celsius sur la face présentée au Soleil, c'est très chaud. Eh bien non, c'est pas très chaud du tout, surtout si on compare à la température à la surface d'une autre planète, une exoplanète qui s'appelle Kelt-9b, et où il fait tellement chaud, Sébastien Carassou, tellement chaud que les molécules se désagrègent. Alors oui, c'est pas vraiment une planète où il fait bon vivre, hein, sur la phase jour, sur la phase qui est tournée perpétuellement en face de l'étoile. L'atmosphère est portée à plus de 4300 degrés, ce qui la rend plus chaude que la surface de la plupart des étoiles de l'univers. Alors ça suffit pas à en faire une étoile, bien sûr, hein, parce que son cœur n'est pas suffisamment chaud pour entamer les réactions de fusion nucléaire. Mais rassurez-vous, hein, si vous avez besoin d'un peu de fraîcheur, il vous suffit de faire escale sur la face nuit, où il ne fait que 2300 degrés. Tranquille. Mais bon, cette différence de 2000 degrés entre la face jour et la face nuit, sur Kelt-9b, elle intrigue pas mal les astrophysiciens. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une étude qui a été publiée le 7 janvier dernier dans la revue The Astrophysical Journal. Et pour cette étude, l'astrophysicienne Megan Mansfield et son équipe ont observé des transits de Kelt-9b à l'aide du télescope spatial Spitzer, qui observe le ciel dans le domaine des infrarouges. D'ailleurs, c'était l'une des dernières observations du télescope mythique, hein, puisqu'il a été décommissionné le 30 janvier dernier après 16 ans de mission. Et donc, l'émission des rayonnements infrarouges de cette planète, elle permet de remonter à la température de la planète. C'est comme ça que fonctionnent les caméras thermiques, par exemple. Et c'est cette technique qui a permis à l'équipe de mesurer les variations de température de la planète entre la phase jour et la phase nuit, au fil de son passage autour de l'étoile. Et donc, pour interpréter ces variations, les chercheurs, ils ont utilisé un modèle climatique, du même type que ceux qu'on utilise pour comprendre le climat sur Terre. Et ils en ont induit que le scénario le plus probable pour expliquer les observations, c'est que l'atmosphère de Kelt-9b contient de l'hydrogène moléculaire, donc des combinaisons d'atomes d'hydrogène qui sont constamment brisés sur la phase jour à cause de la chaleur intense qui y règne. Et donc ces atomes d'hydrogène, ils vont être transportés par des courants atmosphériques vers la face nuit de la planète. Et sur la face nuit, il fait suffisamment froid pour que des atomes d'hydrogène se recombinent. Et donc ces molécules d'hydrogène sont ensuite retransportées vers la phase jour où elles sont rebrisées et on a un cycle qui se répète. Et donc les chercheurs, ils en déduisent que ce processus, il permet de transporter beaucoup de chaleur dans les Jupiter ultra chauds. Alors Jupiter ultra chaud, c'est cette nouvelle classe d'exoplanètes qui émerge depuis 2018. Alors on ne sait pas si c'est vraiment une classe, hein, c'est tout récent. La classification des exoplanètes, c'est un truc compliqué. On découvre des nouvelles catégories un peu tout le temps. Oui, parce qu'il faut préciser, je parle de Mercure. La grande différence quand même entre Kelt-9b et Mercure, c'est que Mercure est une planète tellurique, alors que Kelt-9b, en fait, on ne peut pas se poser ni sur la face jour ni sur la face nuit. Pas seulement parce qu'il fait chaud, mais parce que c'est gazeux. Absolument, c'est une planète gazeuse qui fait trois fois la masse de Jupiter, donc qui a une grosse atmosphère. D'ailleurs, qui a une atmosphère tellement chaude et tellement épaisse que cette atmosphère, elle s'échappe dans l'espace pour produire une espèce de traînée de gaz sur son orbite, un peu comme une comète. Du coup, c'est super intéressant. Et c'est où, en fait, parce qu'on sait, on voit maintenant à peu près, etc. Mais ça fait combien de temps qu'on la connaît? Elle se situe où? On peut la. Alors, elle se situe. Elle a été découverte quand? Faites-nous un peu une fiche d'identité de mais cette planète. Mais avec plaisir. Elle se trouve à 670 années-lumière de la Terre. Elle a été découverte en juin 2017 par une collaboration entre l'Arizona et l'Afrique du Sud, la collaboration Kelt. Ce sont deux télescopes robotiques qu'on a pointés sur la planète. Donc, on n'a pas de méthode directe de cette planète. Elle a été découverte par une technique qu'on appelle la méthode des transits. Alors, le principe, c'est que si un système stellaire est bien orienté, c'est-à-dire qu'on le voit par la tranche, à chaque fois que la planète du système va passer devant son étoile, elle va produire une minuscule éclipse qu'on appelle un transit. Et cette éclipse, on peut la mesurer parce qu'on a des télescopes super performants. Et donc, c'est comme ça en fait que la plupart des exoplanètes qu'on connaît à l'heure actuelle ont été détectées. Plus de trois quarts des exoplanètes détectées à l'heure actuelle ont été détectées par la méthode des transits. Et donc cette planète, en 2018, on découvrait qu'elle avait des traces de titane et de fer dans son atmosphère. Donc voilà, on commence à en savoir un peu plus. Et le Soleil, en l'occurrence, c'est une étoile qui n'a rien à voir avec notre étoile. Alors, elle a quasiment rien à voir avec notre étoile parce qu'elle est deux fois plus chaude et deux fois plus grosse que notre Soleil. Mais c'est une étoile jeune, hein. Elle a à peine 300 millions d'années, pardon. Et elle devrait vivre quelques 300 millions d'années encore. C'est ça, elle est à mi-parcours. Ce qui est très très peu à l'échelle. On peut rappeler que le Soleil a déjà 4 milliards et demi d'années. Exactement. Et qu'il en a encore quelques milliards devant lui. Donc, plus les étoiles sont grosses, plus leur vie est courte et plus elles sont chaudes. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce papier sur Kelt-9b? Pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça constituerait une nouvelle catégorie d'exoplanètes par rapport à celle que l'on connaît déjà? Alors, peut-être rappeler ce que c'est une Jupiter, ce qu'on considère comme des Jupiters chauds. Absolument. Ou des Jupiters ultra-chauds. Alors, les Jupiters chauds, ce sont des planètes géantes, comme Jupiter, mais elles sont extrêmement proches de leur étoile parce qu'elles réalisent un tour complet autour de leur étoile en quelques jours à peine. Donc, dans le cas de Kelt-9b, c'est un jour et demi. Donc, un an sur Kelt-9b, ça dure un jour et demi terrestre. Donc, c'est très très peu et c'est pour ça que la planète est aussi chaude parce qu'elle est super proche de son étoile. Alors, la catégorie des Jupiters ultra chauds, qui est quand même controversée parce qu'elle est juste toute récente, on connaît à peine quelques cas de ces Jupiters ultra chauds, mais on devrait potentiellement en détecter plusieurs centaines dans un avenir proche avec le nouveau télescope TESS de la NASA. C'est un télescope spatial qui a été lancé en 2018. Et donc, ces Jupiter chauds, en fait, elles nous permettent de... ce sont des cas extrêmes qui enrichissent le zoo des exoplanètes et qui nous permettent de mieux caractériser déjà la diversité de ces mondes. Mais on commence aussi à peine à pouvoir sonder l'atmosphère de ces exoplanètes indirectement, ce qui est l'un des grands enjeux de l'astrophysique des prochaines décennies. Et donc, en particulier, on aimerait bien comprendre l'évolution du climat des exoplanètes et comment la chaleur et les particules sont transportées dans leur atmosphère. Et les Jupiter chauds comme Kelt-9b, ils nous font aussi évoluer nos modèles de formation de planètes. Parce qu'il faut rappeler qu'avant qu'on découvre des Jupiter chauds, on pensait que les planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne se formaient bien loin de leur étoile et qu'elles y restaient pour toujours. Sauf que la découverte du premier Jupiter chaud en 1995, 51 Pegasi b, a radicalement changé cette vision. 51 Pegasi b qui a valu le prix Nobel à Michel Mayor et Didier Queloz en fait. Dernier. En 2019, tout à fait. Et on commence à peine à prendre en compte en fait, l'importance de ce qu'on appelle les migrations planétaires, donc ces rapprochements et ces éloignements des planètes gazeuses de leur étoile par des phénomènes liés à la gravité et à la physique des gaz. Donc on en apprend aussi sur notre propre système solaire. On sait d'autres choses à propos de cette Kelt-9b et puis peut-être généralement du système, parce que vous disiez tout à l'heure, Sébastien, que petit à petit, en fait, son atmosphère est arrachée, ça veut dire qu'elle va disparaître. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors son atmosphère, elle est en train de s'évaporer, hein, tout simplement, dans l'espace, dû au rayonnement ultraviolet de l'étoile, qui sont ultra chauds, donc qui chauffent l'atmosphère, et comme un gaz chaud s'étend, et ben, l'atmosphère est tellement épaisse qu'elle finit par s'échapper dans l'espace. Et on pense que d'ici quelques centaines de millions d'années, elle devrait s'échapper complètement, ce qui devrait laisser le cœur de la planète à nu. Enfin, le cœur, la surface de la planète à nu. Mais ça veut dire qu'on sait s'il y a une surface sur cette planète, parce que je croyais que sur des géantes gazeuses, justement, la notion de surface était quand même très très... Alors, il y a une géante gazeuse a toujours un cœur solide, ou en tout cas un cœur plus solide que son atmosphère. Après, on sait très peu de choses sur les cœurs des planètes géantes. Hein. C'est difficile d'aller plonger dans le cœur d'une planète géante pour voir ce qu'il y a dedans. Par contre, on peut avoir des modèles de formation de planètes et se dire que bah, on a des cœurs solides, que ce soit des cœurs de glace ou des cœurs de fer ou des cœurs d'éléments lourds en général, qui se trouvent à l'intérieur de ces planètes et qui constituent les éléments les plus denses qui restent dans cette planète. Et alors, vous disiez tout à l'heure, Sébastien, que le spectrographe ARPS de Galileo, je crois, a détecté, vous le disiez, des ions ferreux et du tétane ionisé dans l'atmosphère de Kelt-9b. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors, ça signifie qu'elle est... Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. Tout simplement, je ne vais pas dire de bêtises, mais du métal dans l'atmosphère d'une exoplanète de cette taille, c'est quand même pas banal, tout simplement. En fait, apparemment, c'est des métaux qui n'existent que sous leur forme atomique, parce que justement, une fois de plus, l'énergie dégagée par le Soleil rompt toutes les liaisons possibles avec les autres atomes. Donc, d'accord. Avec voilà ces formes ionisées. Alors, faut savoir, ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène de recombinaison et de dissociation de molécules dans une exoplanète est mise en évidence. En 2018, on avait découvert le même processus. Enfin, on avait envisagé le même processus pour expliquer les températures des deux faces de l'exoplanète WASP-121b. Et dans le cas de cette dernière, on pensait même que c'est des molécules d'eau qui se brillent et qui se recombinent en plus des molécules d'hydrogène. Donc on avait aussi des molécules d'eau dans cette exoplanète gazeuse. Très bien. Quoi d'autre? Peut-être, Olivier, une réaction à ces Jupiters très chauds, puisqu'on va vraisemblablement en découvrir de plus en plus, ou en tout cas cette espèce de tératologie d'exoplanètes dont on découvre à chaque fois finalement des nouvelles occurrences et de nouveaux types d'exoplanètes qu'on ne suspectait pas jusqu'alors. On peut rappeler que depuis la première découverte de Michel Mayor, qui a été cité, et de Didier Queloz, 51 Pegasi b, voilà, qui date de 95, tout à fait. Donc en 95, zéro exoplanète au compteur. Aujourd'hui, on en est à plus de 4000. Donc que le fait que le bestiaire s'enrichisse de jour en jour, c'est finalement assez naturel. C'est vrai que celle-là, cette particularité, même si, comme l'a dit Sébastien, on l'a déjà vu ailleurs, cette particularité de la dissociation et de la reformation, comme ça, dans une sorte de mouvement pas perpétuel, puisqu'on voit que l'atmosphère se délite au fur et à mesure de la vie de cette exoplanète. Mais c'est un phénomène qui est assez fascinant et qui, par son unicité, rend le cas de Kelt-9 absolument saisissant. Un mot encore de conclusion sur cette planète, Sébastien? Alors, sur cette planète, peut-être pas, mais sur peut-être la quête de ces exoplanètes un peu particulière, parce qu'aujourd'hui, l'une des questions les plus fondamentales qu'on puisse se poser sur l'évolution de notre système solaire, c'est: est-ce que notre système solaire est plutôt unique unique ou plutôt commun dans l'univers. Et on commence à peine à avoir les éléments et les observations pour pouvoir trancher dans cette question. Alors on est au tout début de cette quête, hein, ça fait moins de 15 ans qu'on commence à en savoir quoi que ce soit, mais on commence à peine à avoir les outils qui nous permettent de répondre à cette question une fois pour toutes. Donc on est au début d'une belle quête. Et on commence surtout à se rendre compte que notre système solaire effectivement n'est pas du tout classique par rapport à ce qu'on peut observer. Et pour le moment, alors est-ce qu'il n'est pas classique par rapport à ce qu'on peut observer, ou est-ce que nous n'avons pas encore les capacités d'observer de manière suffisamment fine pour pouvoir détecter des planètes telluriques, par exemple de la taille de Exactement. La Terre ou de Mercure encore plus petit? Tout à fait. Le problème, c'est qu'on a des télescopes qui nous permettent, qui sont limités dans leur pouvoir de résolution, et donc qui nous permettent d'observer seulement aujourd'hui des planètes. Alors, on observe des planètes de la taille de la Terre, on observe même des planètes légèrement plus petites que la Terre, mais il faut des conditions très très particulières pour qu'on puisse les observer aujourd'hui. On commence à avoir des instruments dans l'espace qui nous permettent de détecter des transits de planètes très peu massives, de planètes telluriques, mais on n'a pas encore fait d'échantillons statistiques qui soient statistiquement significatifs pour qu'on puisse en déduire quoi que ce soit, pour l'instant. Un mot tout à l'heure, parce que c'est vrai que notre camarade Vincent est parti un peu rapidement, peut-être, je vous ai pas fait réagir ni l'un ni l'autre, mais Olivier, à ces nouveaux espoirs qui sont placés dans la fusion, je le disais, hein, c'est vrai que la France, comme d'autres pays, est en général assez frileuse, si vous m'excusez le jeu de mots, vis-à-vis de l'atome et de l'énergie produite par l'atome, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a vraiment un regain d'intérêt, ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités industrielles à vue ou en tout cas à portée de main, alors qu'on pensait que c'était quand même vraiment plus du tout le cas. Disons qu'il y a une réflexion globale sur les énergies renouvelables, la nécessité de trouver de nouvelles pistes, donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle la fusion est revenue sur le devant de la scène. Après, il y a là aussi la compétition avec la Chine qui doit être un aiguillon à ne pas prendre à la légère, puisque il y a de ça un peu moins d'un an, les scientifiques chinois avaient annoncé un record en termes de fusion, puisqu'ils avaient un appareil, alors qui a été développé dans le cadre d'ITER, qui est connu sous son acronyme anglais EAST. EAST, et qui avait réussi à maintenir les conditions nécessaires à la fusion pendant 100 secondes. Ce qui on avait parlé d'ailleurs à ce micro. Ce qui était, ouais. Ce qui était un record là aussi. Et même si les Chinois disent on est debout sur les épaules d'un géant pas toujours en pleine forme, mais enfin qui est ITER, ils veulent aussi développer leur propre solution à côté de cela. Et pour ne pas être sur ce sujet comme sur d'autres largués complètement, il faut mettre les bouchées doubles en Europe ou ailleurs pour avoir quelque chose à dire sur cette question. Ça peut aussi peut-être un peu relancer le débat, parce qu'on sait que dans les questions énergétiques et notamment sur la transition pour les anciennes centrales à fission, se pose souvent la question de savoir s'il faut continuer ou abandonner ITER. Manifestement, si on s'en tient à la concurrence, ou en tout cas au contexte de concurrence internationale, on aurait plutôt tendance à dire allons-y, continuons à investir dans cette technologie. J'ai l'impression que ce serait la solution, j'allais dire, la plus raisonnable, étant donné les volumes et de temps et d'argent qui sont engloutis là-dedans. C'est peut-être pas le bon terme, mais on peut pas se recroqueviller sur un seul scénario et sur une seule technologie qui serait celle de la fission. Non, ce serait dramatique. On voit que les centrales nucléaires classiques arrivent à... En fin de vie déjà. En fin de vie, on est en train de bricoler pour gagner une décennie supplémentaire sur différents équipements. C'est quand même, ça a été un pari sur l'avenir un peu gonflé quoi. Hein. Donc il faut aller voir ailleurs forcément. C'est pour ça que la fusion doit rester un scénario d'actualité. Et pour la coulisse évidemment, vous savez qu'à chaque fois qu'on parle d'énergie et de lumière dans cette émission, on est plongé dans le noir dans le studio, ce qui vient de nous arriver à nouveau. Je pense qu'il y a peut-être un esprit scientifique qui veille sur nous, qui sait. Nikola Tesla, m'entends-tu ? Poltergeist. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est tellement symphonique, solennel. Pour ce dernier sujet, on va se prendre à bras-le-corps une ancienne polémique littéraire, bien plus ancienne et bien plus intéressante que celle qui entoure les rentrées littéraires classiques ou le dernier roman de Yann Moix. Molière a-t-il écrit les pièces signées par Molière, de même que Shakespeare? Shakespeare est-il l'auteur des pièces de Shakespeare? Ces noms qui nous sont si familiers, sont-ils les noms de personnalités historiques ou ou, pourquoi pas, des prête-noms. Comment faire pour le vérifier en l'absence de manuscrits signés, notamment pour Molière, qu'il puisse en attester directement? Les scientifiques répondent par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Olivier, donc, la question Molière est-il Molière? La réponse est... Oui, voilà. Molière, merci, Molière, bonne journée. Molière. On n'est pas dans du Philippe K. Dick où les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être. C'est vrai que c'est une polémique qui est très ancienne, qui ne date pas d'hier, début du XXe siècle, Pierre 1919. Louis. Pierre Louis, un érudit français qui se penche sur les œuvres de Molière et qui va décortiquer, expertiser en particulier Amphitryon et qui dit non, c'est pas de Molière, c'est de Pierre Corneille. Et à partir de ce moment-là, se développe la thèse d'un Molière qui ne serait que le fou du roi et le prête-nom de Corneille qui lui serait l'auteur non pas simplement d'Amphitryon mais de tous les chefs-d'œuvre qu'on connaît de Jean-Baptiste Poquelin. De toutes les pièces dites sérieuses, les pièces à thème, Tartuffe, le Misanthrope et d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement tout ça ça a alimenté en fait une sorte de polémique littéraire assez passionnante qui a été enterrée puis a ressurgi au cours du XXe siècle, et avec l'idée qu'il y avait tout de même quelques éléments qui pouvaient en tout cas semer le doute sur le fait que Molière soit effectivement l'auteur de ces pièces. C'est troublant, effectivement, de voir à quel point, comme un serpent de mer ou un Loch Ness littéraire, cette histoire disparaît et revient à intervalles de temps réguliers, puisque sa dernière résurgence date cette fois du début du XXIe siècle, 2003. Là, c'est un autre exégète de Corneille qui s'est penché sur ce travail, Dominique Labbé, et qui reprend la thèse de Pierre Louis et qui dit que c'est Corneille qui est derrière toutes ses œuvres, que c'est absolument démontré par la proximité du vocabulaire, de la syntaxe, de la façon d'écrire finalement entre ces deux auteurs, mais que c'est une question qui est tue par l'intelligentsia, etc., parce que ça ébranle un mythe littéraire français. Enfin, Molière, c'est une figure qu'on connaît tous, qui est au panthéon commun. Et donc, ébranler le génie Molière, ce serait quelque chose qui, de la part de ces érudits qui contestent la thèse selon laquelle c'est Molière qui écrit ses pièces, ça serait inaudible. Bon, d'après les dernières analyses qui donc vont solliciter le nec plus ultra de la technologie, et donc l'intelligence artificielle, il semblerait que non, que c'est bien Molière qui a fait ces pièces. Disons qu'il y avait dans l'histoire littéraire effectivement plusieurs indices qui pouvaient en tout cas semer le doute que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que il n'y a pas de manuscrits. On ne trouve pas de manuscrits, très peu, pour des raisons d'ailleurs historiques que l'on comprend bien, parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de valeur à l'époque et que les imprimés avaient bien plus de valeur que les manuscrits. Je crois qu'il y a d'ailleurs très peu de manuscrits, voire aucune des pièces de Corneille. Le fait aussi que, au XVIIe siècle, la figure de l'acteur principal était quasiment plus importante ou prépondérante que celle de l'auteur et que les deux pouvaient se mélanger. Comme on sait que Molière était souvent le comédien principal de ses pièces, et bien d'un seul coup, on lui aura attribué la paternité des pièces qu'il jouait et qui plus est lié à un succès relativement tardif de la carrière de Molière. Mais donc voilà, nous voilà maintenant au début du XXIe siècle et non pas du tout dans le TARDIS du Docteur Who, mais dans Science Advances et une étude qui vient résoudre cet ancien mystère grâce à l'intelligence artificielle, Olivier. Alors, on la doit à un binôme de chercheurs français. Il y a d'un côté un mathématicien spécialiste de ce qu'on appelle maintenant les humanités numériques, un monsieur qui s'appelle Florian Cafiero, qui a la particularité d'être aussi chanteur lyrique dans le civil. Et il a travaillé avec un chercheur de l'école des chartes, Jean-Baptiste Camps, en novembre 2019, publie le fruit de leurs travaux et qui démontre donc que c'est bien Molière qui est l'auteur. Alors, ils ont travaillé à partir de ce qu'on appelle l'apprentissage, le fameux deep learning, l'apprentissage profond, qui consiste, alors on connaît les images avec comment on apprend à l'intelligence artificielle à reconnaître ce qu'est un chat, pour qu'il puisse le reconnaître, il a fallu qu'on l'alimente d'une foultitude de photos de chats, des noirs, des blancs, de tout ce qu'on veut. Et puis, tant et si bien qu'à un moment donné, quand on lui montre une photo d'un autre chat, celui qui n'était pas dans la liste du début, qu'on sort de son chapeau, l'ordinateur ne l'a jamais vu, mais en fonction de tout ce qu'il a engrangé, il est capable de le reconnaître. Là, finalement, on procède un petit peu de la même façon, puisque nos auteurs sont allés chercher les comédies du XVIIe siècle, Ils les ont fait décortiquer par le programme d'intelligence artificielle qui est allé chercher les éléments de vocabulaire, les éléments de syntaxe qui avaient la capacité de remonter vers les racines des mots. C'est-à-dire que c'est des programmes qui savent reconnaître les différentes déclinaisons d'un verbe. Par exemple, on voit, il y a plusieurs occurrences de « avait », de « aurait » dans un texte. Ils savent, le programme s'est rangé ça dans la boîte, c'est le verbe « avoir ». Donc, ce programme a pu constituer tout seul, de façon informatique, un corpus de travail qui a été comme une sorte de filtre au travers duquel notre binôme de scientifiques français a fait ensuite passer les textes de Corneille et de Molière. Et c'est grâce à cela qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de points de recouvrement dans les styles des deux auteurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas juste une question de vocabulaire. Il y a plusieurs méthodes d'analyse qui vont évidemment du vocabulaire, et parce qu'on a tendance à penser qu'un auteur utilise préférentiellement le même vocabulaire, mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a les mots qui sont choisis et placés à la rime, qui sont très significatifs. Il y a l'ordre des éléments d'une phrase, parce qu'il y a aussi des étiquettes de syntaxique, enfin, il y a vraiment toute une gamme qui permet vraisemblablement d'en tout cas d'identifier ce qui est le plus vraisemblablement constitutif du style et de la syntaxe d'un auteur. Il y a un élément qui est peut-être assez caractéristique du travail de Camps et Cafiero, c'est le travail sur ce qu'on peut appeler les mots-outils. Ces petits « et »,« des », »,« ou », »,« cela », »,« voilà », ces petits mots qui sont a priori anodins et dont on sait tous que quand on écrit, il nous coule de la main. C'est très difficile. Très inconsciemment, voilà ça. Voilà, c'est très difficile. On peut essayer de travestir son texte. Je peux essayer d'écrire comme Nicolas Martin, mais dès qu'il va y avoir du ou et du car et etc., ça va être plus fort que moi. Je vais utiliser ma vieille patte, quoi. Hein. Mm. Et ce travail sur ces mots outils, il a été mis en avant par en tout cas c'était un des paramètres forts du programme d'intelligence artificielle des chercheurs français. Et donc à travers tous ces filtres, les auteurs attestent grâce à ces 6 méthodes. Alors il y a aussi l'étude des lemmes, hein. Les lemmes justement c'est ces espèces de groupements de mots qui sont les mêmes et qui sont reconnus par l'ordinateur, le aurait, avait qui vient de... Voilà, c'est ça, les occurrences de chaque mot évidemment si on considère le texte comme un sac de mots, on voit le nombre de mots qui arrivent lors des éléments du phrase. Bref, on a dit tout ça. Eh bien, selon cette étude, sur 37 pièces de Corneille, de son frère, de Molière, de Jean de Rotrou et de Paul Caron, eh bien, l'ordinateur a à chaque fois identifié les pièces de Molière comme celles d'une seule et même personne et clairement distinguées des autres, et notamment de celles de Corneille. Voilà, bon, on peut parier néanmoins que ça ne tuera pas la polémique, puisqu'on est typiquement face à ce genre d'histoire qui devient sacerdoce pour ceux qui s'en emparent. Donc il y aura forcément des contre-feux, mais là, d'un point de vue de l'analyse par l'intelligence artificielle et en utilisant les outils les plus perfectionnés qui sont accessibles à l'heure actuelle sur cette question, bah le verdict, il est celui-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut gratouiller plus avant sur certaines pièces, certaines œuvres pour essayer d'en raffiner l'origine et la paternité. Et c'est ce que vont faire les deux chercheurs dans un temps prochain, puisqu'ils vont travailler en particulier sur une pièce, une tragédie ballet qui avait été commandée par Louis XIV, Psyché, dont on sait que c'est une collaboration avérée entre Pierre Corneille, Molière et un troisième auteur, Philippe Quinault, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et c'est là aussi où l'intelligence artificielle peut être intéressante, c'est qu'elle va savoir, elle va permettre de colorer finalement un chaque texte, partie, oui, bien chaque sûr. Partie, et chaque, mais d'une façon assez fine, presque phrase à phrase, de dire ça c'est plutôt de la main de l'un et ça c'est plutôt de la main de l'autre. Et ça c'est précisément le travail qui a été fait d'une façon à peu près simultanée sur Shakespeare, dont vous parliez tout à l'heure. Et sur Henri VIII. Parce que dans Henri VIII, il y a une hypothèse selon laquelle, à partir de la 2200e ligne d'Henri VIII, ce n'est plus Shakespeare, mais John Fletcher qui aurait pris le relais. Voilà, une thèse ancienne également, hein, 1850. Donc on voit que ça vient de loin, ce questionnement sur les auteurs des textes, hein, c'est quelque chose qui est dans nos têtes depuis un moment. Là, c'est un chercheur tchèque qui s'est penché sur Henri VIII, pièce tardive dans l'œuvre de Shakespeare, et qui a voulu en savoir un peu plus. Et là aussi, il a utilisé l'intelligence artificielle. Il l'a fait d'une façon différente des deux auteurs français, puisque là, il a fait lui-même le corpus en décortiquant un certain nombre de scènes venant et de Shakespeare et de Fletcher et d'un troisième larron, Philippe Massinger, dont on dit aussi qu'il aurait pu participer à Henri VIII. Donc notre chercheur tchèque qui s'appelle Peter Plechak a constitué à la main, si je puis dire, son corpus des trois auteurs. Et donc il avait en quelque sorte la matrice Shakespeare, la matrice Fletcher, la maîtresse Massinger. Et à ce moment-là, il a utilisé ces trois gabarits pour alimenter un programme d'intelligence artificielle qui, lui, est allé les comparer automatiquement, ces gabarits, aux pièces des auteurs en question, pour voir si il y avait, avec l'exemple d'Henri VIII, il les a utilisés pour l'exemple précis d'Henri VIII que le corpus ne connaissait pas finalement, et il a vu s'il y avait des recoupements ou pas. Et exit Massinger. Au vu de cette analyse, il n'y est pas. Mais en revanche, il y a bien les deux, il y a bien Shakespeare et Fletcher, et on peut voir effectivement qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est intéressant hein, qu'ils se sont pas simplement répartis des scènes, mais que c'est un travail commun ligne à ligne, c'est-à-dire qu'on est bien capable d'identifier l'une avec l'autre. On aurait pu dire un mot, mais on ne va pas avoir le temps de Lennon et McCartney, parce qu'il y a un travail similaire qui a été fait sur de la musique avec des résultats moins probants, mais néanmoins intéressants. Ce qui est intéressant, peut-être pour conclure Olivier rapidement, c'est de dire que outre ces énigmes littéraires qui sont évidemment passionnantes, ce type d'outil de deep learning peut permettre, en littérature contemporaine, même de façon scientifique, d'identifier la plume, de éventuellement percer des problèmes d'auteur, de plagiat, de plein de problématiques qui traversent la recherche et les textes contemporains non littéraires. Bien sûr, le plagiat, hein, dont on sait que c'est une plaie dans la recherche et ailleurs, mais aussi dans des questions criminelles, par exemple, hein, des enquêtes, des investigations sur des emails anonymes, des textes anonymes qu'on pourrait ainsi décortiquer d'une toute nouvelle façon. Donc ce sont des technologies qui vont... c'est une façon d'investiguer une matière première qui est le texte et l'écrit qui peut avoir des résurgences sur quantité de disciplines différentes. Et on va savoir par exemple si la chronique de Sébastien Carattou a été rédigée par Élodie Chabrol ou... David Loap, Valentine Delattre. Un mot pour finir rapidement des sujets qu'on n'aurait pas abordés, que vous voudriez évoquer, Sébastien, en quelques mots. Absolument, moi j'attends avec impatience le coup d'envoi de la sonde européenne Solar Orbiter, dont le but est d'étudier l'origine du vent solaire et qui sera lancé le 8 février prochain. Donc le vent solaire, hein, c'est ce flux de particules chargées que le soleil nous envoie en permanence. Hein. Et le 8 février, c'est demain. Et c'est mon anniversaire, voilà. Et bien, joyeux anniversaire. Donc on a des particules qui sont accélérées à plus de 800 km par seconde et on ne sait pas ce qui produit cette accélération. Et donc on aura pour la première fois une sonde qui va prendre des photos à 42 millions de kilomètres de la surface du Soleil et qui va prendre les premiers clichés à haute résolution des régions polaires du Soleil. Donc on attend ça avec impatience. On attend ça et puis je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée récemment justement à ces questions de vent solaire et notamment à l'autre sonde Parker Solar Probe. Un mot, Olivier ? Alors oui, sur un sujet à suivre dans les semaines qui viennent, ce sont des tests qui doivent être menés aux États-Unis sur les parachutes qui doivent équiper une prochaine mission martienne, ExoMars, une mission russo-européenne qui doit partir à l'été prochain. Cette mission, elle consiste en une capsule qui porte un rover façon Curiosity. Là, c'est le rover Rosalind Franklin, du nom de la co-découvreuse de l'ADN. Il doit atterrir sur Mars en tout début 2001. Mais évidemment, pour traverser l'atmosphère martienne, il doit être freiné par des parachutes. Patatras, les tests qui ont été menés il y a quelques mois, d'abord en Laponie, en tout cas en Europe et à très haute altitude, ils se sont soldés par des échecs puisque les parachutes arrivés au sol étaient déchirés. Les Européens ont demandé l'aide des Américains. Il y a un travail collaboratif qui semble être bien mené. On a trouvé une solution pour ces fameux parachutes. Les premiers tests en basse altitude sont positifs, mais là, en février, ça va être les tests de haute altitude, c'est ceux qui sont importants. Donc on va voir si, parce que si ça marche pas, la mission ne partira pas. Merci beaucoup. À la une de Science et Avenir, Olivier. Le mal de dos, février. Les méthodes qui marchent. Et un dossier spécial ingénieur. Vous me le donnez tout de suite sur le mal de dos, je le garde. La prochaine vidéo, Sébastien, Sense of Wonder. On prépare une série sur l'inspiration entre la science-fiction et l'astronomie. Et en attendant, vous pouvez voir mon premier documentaire, Le mystère de l'expansion des tropiques, qui est déjà sur YouTube. Et dont on vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Et puis je vous rappelle la une de Science et Vie, Fusion, enfin les premières étincelles. Également un dossier sur Titan, la découverte d'une autre Terre. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne, Antoine Beauchamp, Nomi Negatsi, médecins Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard, Jacques Azubert, à la technique. La semaine prochaine, lundi, on vous parle de plasticité. Lundi, on vous parle de plasticité cérébrale. Mardi, deux prix Nobel pour le prix d'un, puisque nous parlerons des lasers avec Gérard Mourou et Donna Strickland. Mercredi, les campagnes municipales approchant, on parlera de neuropolitique. Sophie Germain sera bien notre sujet Histoire des sciences de jeudi. Et vendredi, science-fiction, les villes de Coruscant à Caprica City en passant par Metropolis et peut-être même Gotham. Ce sera vendredi prochain. Demain, vous retrouverez Étienne Klein à 16h pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi 16h jusqu'à preuve du contraire.